Le printemps est enfin arrivé et pour vous préparer pour la belle saison, le magasin Canadian Tire est fin prêt. Que ce soit pour les articles de piscine, tondeuse ou le centre du jardin qui ouvrira très bientôt, le magasin Canadian Tire a tout ce qu'il vous faut. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Adolbo-Mistassini, canadiantire.ca. Le magasin Canadian Tire tient à souligner le mois de l'arbre et de la forêt. La forêt, un des moteurs économiques de notre secteur. Après Yvon Massicotte et Georges Simard, voilà un enseignant de l'école secondaire des Chutes qui va prendre sa retraite dans à peu près un mois, plus ou moins un mois. C'est Jocelyn Gagné. Jocelyn Gagné a été longtemps, évidemment, impliqué dans le bénévolat avec le Club du Mille également. Je pense qu'il a passé beaucoup de jeunes. On va lui parler pour parler un peu de sa carrière d'enseignant. Salut Jocelyn. Salut Danny. Jocelyn, ça passe vite une vie, hein? C'est incroyable. Il me semble que il n'y a pas si longtemps, Jocelyn, tu commençais ta carrière, je m'en rappelle très bien. Là. Puis là, finalement, là, c'est ta retraite. D'abord, es-tu prêt? Oui, je suis prêt. Okay. J'ai eu un léger pincement au cœur le mois passé parce qu'il faut que je démissionne de la commission scolaire. OK. Avoir une démission, c'est normal pour te faire remplacer. Ça m'a pris tellement de temps à avoir un contrat. Maintenant, je démissionne. J'ai dit, c'est pas croyable. On est déjà rendu là. Qu'est-ce qui t'a fait le plus ce pincement au cœur? C'est de passer à autre chose, quoi? Ben, c'est parce que c'est un petit pincement. T'as un job, t'as couru après un job. J'ai aimé ma carrière, adoré être enseigné. Ça a pris quand même 12 ans avant d'avoir un poste. J'ai même pas eu un poste en éducation physique à l'époque. Ça avait pris au moins une vingtaine d'années avant de me retrouver en éducation physique. Puis maintenant, je me sens obligé de démissionner. Mais c'est pas grave, c'est un processus normal, mais ça a fait un petit pincement. Là. Je disais, on est rendu là, déjà la fin. Qu'est-ce qui, du côté de des jeunes, est-ce que de ta carrière, les jeunes, ça l'a beaucoup évolué? Hein? Oui. Moi, sans me plaindre, le secondaire 1-2, c'est une année charnière. Okay. On peut les influencer, on peut les rentrer dans leur tête au niveau psychologique. Je pense qu'on peut travailler beaucoup avec eux autres. Par contre, c'est des jeunes souvent qui ne savent pas l'importance que ce qu'on peut lui donner, ce qu'ils peuvent faire, qui est payant. Donc, s'entraîner fort, c'est pas tout le monde qui va y croire pour l'instant. Ils ne sont pas rendus là dans leur tête. Malheureusement, j'en ai eu quelques-uns qui l'ont fait. Mais comme je dis souvent aux jeunes, si tu veux travailler comme un champion, il faut que tu sois un champion de rang secondaire 1. Puis je dis souvent l'histoire à Steve Bégin. Steve Bégin. Ben oui, j'ai fait même une entrevue avec lui, Jocelyn, oui, il y a quelques temps. Tu veux faire un joueur professionnel, fais 10 000 heures de hockey. Les jeunes me disent tout, ben moi j'en fais beaucoup d'heures de hockey, ben, puis là, je les compte comment ils font d'heures de hockey, puis ils se rendent compte, waouh, 10 000 heures de hockey, c'est énorme, ben fais-les, puis tu vas faire un professionnel. Effectivement, bon, c'est une question de talent aussi, là. Ah, oui, mais on se cachera pas que le talent, aujourd'hui, moi, dans ma carrière, j'ai toujours dit j'ai entraîné du talent, mais les plus talentueux, je ne les ai pas entraînés, malheureusement. OK. J'ai du talent. Qui n'ont pas essayé, mais malheureusement, regarde, pas tout le monde qui veut. C'est pas tous des Alex Bussière, hein? Non. Les plus jeunes. Écoute, ça a changé beaucoup dans l'enseignement. Dans le temps, on était sensibilisé plus, on jouait des arts. Maintenant, il y en avait des jeux vidéo pareils, là. Mais c'était peut-être moins fort. Quel a été le plus gros changement que tu as observé chez les jeunes? Je pense qu'on est rendu une société, là. Ben, probablement, on est rendu une société qui se parle plus en plus avec les textos, les téléphones. Ouais. On est rendu une société qui est vraiment. Tout est facile. C'est recul dans notre temps. Toi, t'es un petit peu plus jeune que moi, mais tu sais, t'as des garçons de fermier, ça travaille sa terre. Les jeunes travaillaient en ville, s'impliquaient dans la maison, sortaient poubelles. Aujourd'hui, je pense que les jeunes sortent même plus poubelles. Un exemple. Au niveau physique, ça travaille de moins en moins. Après ça, le sport, c'était valorisé. Il y avait une équipe de sport, de hockey, dans toutes les municipalités. Moi, je restais à Sainte-Marguerite-Marie. On avait une équipe, puis oui, ben, en même temps, midget. Aujourd'hui, oublie ça. Tu fais une équipe. Tu veux faire une équipe à Delbault-Mistassini, puis environ. Puis t'en vois plus jouer dehors beaucoup. On dirait que ça va revenir. Ça va revenir, le balancier va revenir. J'en suis convaincu. L'activité physique, le sport est peut-être. Comment les jeunes pour eux autres n'ont pas d'importance. Ou il y en a trop. Ouais. Ben, l'offre, il y a une question d'offre aussi, là. Moi, je me rappelle. Oh, c'est terrible. C'est, l'offre est immense, là. L'offre. Écoute, dans le temps, il y avait le hockey, la balle molle, l'été, il y avait également du soccer, mais c'était tout, là. À peine. Soccer, à peine. Ouais, à peine. Ouais. C'était balle molle et balle lente et hockey. À peu près. Puis des quilles. Ouais, puis des quilles. Puis là, maintenant, c'est l'offre. On se comprend. On se comprend très bien. Il n'y avait pas grand-chose, c'est vrai. Ouais. Fait que. Puis, Jocelyn, aussi, oui. Ça ne devait pas être c'est pas facile aussi à enseigner, hein, pour un enseignant masculin de nos jours, surtout en éducation physique. Je ne sais pas si tu me vois venir. Bien ça, moi, j'ai pas eu, au cours de ma carrière, j'ai enseigné beaucoup, beaucoup de précoces, beaucoup, beaucoup de filles. Donc, ça ne m'a pas dérangé. Sauf qu'on fait vraiment attention, on est professionnel. Donc, quand tu es professionnel, tu fais attention, tu n'as pas de problème. Mais je pense que dans mes dernières années, la fin. Mon expérience est là, mais les jeunes ne me connaissent pas. OK. L'impact des jeunes est peut-être. Les jeunes ne me connaissent pas. Ils ne savent pas que j'ai couru, ils ne savent pas les temps que j'ai fait de course. Tu sais, quand ils font des temps, ils me disent qu'ils courent un kilomètre en 3,30, 3,40, ils trouvent ça énorme, ils trouvent ça beau. Bon, je ne leur dirai pas quel temps j'ai fait mes kilomètres, là. Ils vont dire. Ils vont tomber sur le derrière, mais ils ne me connaissent pas. Ouais. Ils peuvent pas. Des fois, ils ne voient pas l'impact que ça peut apporter dans leur vie. Quelques-uns l'ont compris. Les petits gars comme le petit Lavoie, Philippe Lavoie l'a compris très bien. C'est Jeanne d'Arc qui lui est étiqueté les Canadiens de football en passant. Oui. Facilement. Puis lui, il s'est fait faire à mon école, il est allé à un camp d'entraînement, puis il dit, Jocelyn, tout ce que tu nous fais faire, là. Il dit, on a fait faire au camp d'entraînement. Il dit, continue. Un Jérémy Fortin. Oui, qui joue pour les Saguenayens, C'est un anneau, quelqu'un qui a posé entre mes mains, il travaillait, ce que je disais, il croyait. Parce que les gens ne savent pas, c'est Jocelyn Gagné, il n'y a pas qu'un bac. Il y a un niveau 3 en athlétisme, un niveau 3 en coaching de hockey. Le monde ne sait même pas qu'un niveau 3 en hockey. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour se valoriser, on est là pour aider les jeunes. Puis aussi, comment je te dirais. Mais tu sais, quand je te dis, là, c'est pas facile pour un prof masculin, je ne sais pas si tu me vois venir. Là. Écoute, il faut vraiment être loin, il faut vraiment se tenir loin des jeunes filles. Je ne sais pas si je m'exprime bien, là, mais tu sais de quoi je parle. Là? Oui. Mais moi, j'ai pas eu. Dans ma carrière, il y a les dernières années, il faut faire attention aux enfants de mieux s'habiller, de pas s'habiller trop sexy. Moi, c'est un monde d'athlétiste, là. Okay. Les jeunes, je les force à l'école de mettre des shorts, mettons, pas trop serrés, pas trop sexy, des genres de décros, là, des pantalons moulants. Mais je me rappelle que quand on faisait l'athlétisme en 76, Sylvie Fortin et Jacinthe Tébé, j'avais des shorts bobettes à l'époque. Ouais. C'est très hot, là, je peux te le dire, là. Puis en athlétisme, ils courent maintenant avec des shorts bobettes. Puis ils courent avec des tops pour être laissés slater. Pour l'arrivée dans nos écoles, on leur dit de faire. On fait des convenances normales, on fait des mises à jour, puis ça va quand même bien. Dans l'ensemble, je vais pas me plaindre, mais comme on dirait, il y a beaucoup de jeunes qui bouffent, peut-être plus qu'on pense, mais on les voit pas. Ouais. On voit ceux qui bouffent pas, ceux qui font du mal, ceux qui traînent dans les rues, ceux qui ont fait des bris. Puis la TV nous montre jamais des personnes actives. Elle va nous montrer un petit bombe ou des petits fumées de potes ou un fou qui a fait un excès de vitesse avec son auto, malheureusement. Jocelyn, c'était pas facile aussi, parce que moi, je me rappelle, moi, quand j'étais à l'école secondaire des Chutes, c'était Georges Chimard et Yvon Mascotte. Monsieur Mascotte était quand même une personne très respectée dans son milieu. Puis succéder à Yvon Mascotte, ça devait pas être facile au début. Comment ça s'est fait? Naturellement? J'ai rentré dans l'enseignement, j'avais pas de job, j'étais un suppléant occasionnel, je remplaçais dans n'importe quelle matière, je me suis retrouvé avec des multitours, c'est incroyable, 7-8 préparations de cours. Après ça, j'ai tombé en formation personnelle sociale pendant quelques années, avec des cours d'études. Donc, c'était comme un entre-deux. Puis dans les années 91, lorsque j'ai eu le poste en éducation physique, j'ai transféré, non, j'ai eu FPS quelques années, je suis transféré en éducation physique vers les années 98, près 2000. Là, j'ai tombé vraiment en éduque. C'était de gros un entre-deux. Là. J'étais connu, M. Mascotte était écouté, on travaillait. L'arrimage, c'est quand même bien fait, mais t'as raison. M. Mascotte était vraiment un bon père de famille, un gars solide. Puis respecter les jeunes aussi. Oui. Dans le monde du hockey. C'était un donneur. C'était un grand, grand donneur. Ton meilleur souvenir? À l'école? À l'école, oui, parce que là, on parlera pas du Club du Mille, là, d'application bénévole. C'est l'entrevue est faite pour comme enseignant. Oui. Comme enseignant, mes meilleurs souvenirs, je ne sais pas, je ne peux pas dire, c'est de rentrer le matin à l'école presque tout le temps en sifflant. Okay. Être heureux, entonner, c'est des souvenirs mémorables. Avoir des confrères, des consoeurs de travail exceptionnels, dîner, tu sais, avec des tables, puis parler des Canadiens, puis en espérant qu'on va avoir une équipe, un groupe qui va être bonne. Ça, c'est des souvenirs mémorables. Avoir une belle école, une école qui est... Est-ce que les Carcajoux, c'est le bébé à Danny Dufour? Mais Un petit peu. Ben, le Carcajou, c'est le nom de nos équipes. Ouais, OK, football, mais je te parle de football, là. Oui, football. Mais toutes nos équipes sportives s'appellent le Carcajou. OK. Volleyball, badminton. Il y a seulement le hic du Club du Mille, parce que c'est un club entre les deux, là. Mais c'est pas grave. C'est dur à dire les meilleurs souvenirs, c'est de faire une carrière proche de chez vous, dans une école qui est le fun, dans ton environnement, ton milieu. Quand je connais les parents des élèves. Mais il n'y a pas de... OK. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu vas t'impliquer bénévolement? Est-ce que tu vas t'impliquer... Club du Mille... Je sais que le Club du Mille, à un moment donné, t'as tenu ça à bout de bras avec une chance qu'il y avait... Mais là, maintenant, tu vas avoir beaucoup de temps. On dit que ceux-là qui prennent leur retraite, par contre, ils sont plus occupés qu'avant. Fait que... Qu'est-ce que t'entends faire? C'est sûr que moi, j'ai des enfants, bon, on va visiter, moi, je vais voyager, je vais m'occuper quand même. Le Club du Mille, volet jeune, les dernières années, je me suis retiré. Pierre-Luc Ménard fait bien ça. Pierre-Luc, Yann, mais j'entraîne quand même le volet jeune tout l'hiver, puis l'automne, c'est moi qui s'occupe du volet jeune, de 4h à 6h le soir, c'est moi qui s'occupe du volet jeune, 4h15 à 5h15, 5h30. Puis j'entraîne aussi, j'ai un club maintenant qui s'appelle le volet adulte, de 6h15 à 7h15. Okay. Ça, c'est mon bébé depuis 4-5 ans, j'adore. Ça, je vais continuer à faire ça. Je fais du coaching professionnel, j'entraîne des gens d'un petit peu... Est-ce que tu vas aider Michel Robert? Michel Robert, qui est à Saint-Jean-d'Arc, qui a un programme justement pour faire bouger les jeunes. C'est-tu quelque chose que tu pourrais donner un coup de main? Pas rendu là encore. Puis, okay. Je connais bien Michel, probablement qu'on va s'approcher, mais je me connais. Okay. Je ne resterai pas inactif. Je me connais bien trop... Ben ouais. Certain que je ne ferai pas égroncler la cour chez nous. Non. C'est je m'entraîne. Oui. Fait que c'est intéressant. Ben, Jocelyn, félicitations pour ta belle carrière. J'écoute, j'ai pas eu l'occasion de t'avoir comme professeur. On a quand même de quoi une dizaine d'années de différence, mais. À peu près, oui. Ouais, quand même. C'était une belle carrière, puis je pense que ça a été apprécié beaucoup par les jeunes. Puis tu auras l'occasion certainement de faire connaître ton savoir. Peut-être dans d'autres milieux. Ben, t'es bien gentil, Danny. Ben, voilà, donc, Jocelyn Gagné, qui prend sa retraite le mois prochain, après une longue carrière comme professeur d'éducation physique à l'école secondaire des Champs.